la grève de la faim est finie, mais moi, je demeure à convaincre. Merci, Mario. Hey, oui. Penses-tu qu'il y avait des morceaux, des fois, dans le bouillon de poisson? Tu sais, des petits morceaux qui se... en faisant le bouillon, des fois, t'échappes... Ouais, ça, en passant, moi, du bouillon de poisson, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, là. Parce que si t'échappes des morceaux, ça fait une sorte de bouillabaisse, hein? Ouais, là, ça devient... Salut. 7 heures.